J'entends dans le souffle du vent des idées neuves qui me rappellent qu'il y a encore 10 ou 15 ans, je me battais déjà pour elle. Ça tambourine dans mon cerveau, de guitare sèche en guitare basse, sous mes rébans, sous ton chapeau, on dirait bien que rien ne passe. C'est Dylan, j'ai dans la voix une dernière chanson qui protège. Du monde, maître à penser, je voulais tout vivre à la fois. Le cours de l'or, les billets verts, ça change un homme sans aucun doute. Il y a longtemps que j'ai pas vu la mer, il y a longtemps que j'ai pas fait la route. Comme les horloges et les miroirs, soleil d'automne ou pluie d'été, j'ai fait semblant de ne rien voir. J'avais rêvé de vivre ailleurs, toujours une valise à la main. Révolution.